Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Magic System. Passez une bonne soirée, bienvenue dans Planète Rap spécial Magic System. Ils sont là, les magiciens. Ils sont dissipés ce soir, les magiciens. On est à 5 jours de la sortie d'Africainement Vôtre. Ça va bien, messieurs? Ça va. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Voilà, ça c'est la nouvelle expression qu'on a lancée depuis lundi dans Planète Rap. Il n'y a rien pour le moment. Mais il va y avoir beaucoup de choses ce soir, une fois de plus. Ouais. Avant 21h, des surprises, des invités. Du live peut-être? Ouais, du live. Du live aussi. Les images que vous pouvez mater sur le skyrock.fm avec le hashtag Magic System sur Skyrock. Vous réagissez. On dit un mot sur les invités tout de suite ou pas? Ben, faut que c'est de gros invités, donc il faut aller pendant que nous sommes. Eh ben, allons-y. Coup d'envoi, donc les. Soyons galants. Ouais, honneur aux dames. Il n'y a pas que des hommes ce soir. Voilà. Ah ouais. Voilà. Il y a une jeune fille qui est présente sur votre album. Exact. C'est l'un des rares featuring que nous avons fait sur l'album. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de featuring. Non, il n'y a que deux featuring. Il y a deux featuring avec Shaoki qui était là hier soir. Et Aïna qui est là ce soir. Et je veux qu'on applaudisse pour Aïna. En plus, elle est tranquille. Il n'y a pas son équipe qui vient la traquer comme d'habitude. Ouais, t'as vu, je suis venu au calme aujourd'hui. Les SP. Ah non, ils ne sont pas là. Personne n'est là? Non. Si, il y a la. Il y a la Sana et Philo. Voilà. Ils sont pas loin. Mais ils sont tranquilles. Deux escrocs que je connais. Il n'y a pas Sam. Il n'y a pas Sam, notre ami bordelais. Il n'est pas là non plus. Chut, à la maison. Donc tu vas être tranquille, tu vas pouvoir t'exprimer. Oui, on est bien. Nous dire ce que tu penses du Magic System aussi, qui est un groupe qui t'a forcément fait danser. Forcément. Parce que je sais que tu es une grande danseuse. Faut que t'arrêtes de me suivre sur Twitter en fait. C'est ça en fait. Il faut que je te unfollow. En plus, tu me parles plus sur Twitter et tout. T'en as marre de mes tweets, non? Non, j'adore, mais j'ai pas vu de trucs là, des repas que t'as préparé dernièrement. Non. Ah ouais, non, c'est vrai, j'ai un peu arrêté parce que je suis un peu vexée à force. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple. Je ne mange plus. Ouais, t'as arrêté. Bon, un petit mot sur le Magic System et sur ce morceau que vous avez fait ensemble. On le retrouve sur l'album. C'est un morceau qui s'appelle Plus haut. Ouais, Plus haut. C'est un morceau qui est très, dans la positivité en fait. C'est un peu ça. Hein. Voilà, c'est un morceau qui est vraiment dédicacé aux personnes qui ont envie de vivre une histoire et qui osent peut-être pas forcément, mais voilà, pour leur permettre d'y croire tout simplement. Bon, on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ou vous le ferez en live. Je sais pas ce qu'il y a de prévu ce soir. Ça sera la série sur le gâteau tout à l'heure. Bienvenue Aïna en tout cas. C'est un plaisir de te voir et d'avoir de tes nouvelles. Autre invité qui est devenu un grand écrivain depuis le 9 mai dernier. Ouais, ça c'est. Il a sorti son premier recueil. C'est le plus gros escroc du dernier siècle. Oh l'attaque. Il est là avec nous. C'est monsieur Soprano. Soprano Baba. Alors attends. Salut. Ça va? Ouais, ça va MTK. Petite réponse, petit droit de réponse parce que tu as été attaqué, taclé à l'instant même. Mais tu sais pourquoi il dit je suis un escroc? Parce que dans le livre justement, je fais un chapitre où j'ai les incendies. Je dis que c'est des mauvais gars, c'est des voleurs. Ils ont volé l'Afrique. Rendez l'or s'il vous plaît. Rendez les disques d'or. Et c'est vrai que le bouquin est en train de faire un carton. Il est sorti le 9 mai dernier, c'est Mélancolique Anonyme. Ouais, ça se passe super bien, je suis surpris. Très touchant. Moi j'ai commencé à lire, j'ai pas tout lu, j'ai lu un petit peu le début ce week-end. Et super touchant la première partie, justement, tout le rapport, tout ce qui fait aussi la construction des psychiatres de la rime, etc. Yes, voilà, c'est un peu. Tous ces rêves que vous avez en tête et tout. Et ouais, mais qu'on a réalisé grâce au public qui nous soutient, qui soutient les artistes. Et en même temps, grâce à toute cette aventure, j'ai rencontré ces grands frères. Ouais, moi, je les appelle les grands frères. Et j'ai carrément fait un chapitre pour expliquer comment ils sont importants dans ma carrière et surtout même personnellement, humainement aussi. Voilà. Vous avez lu le bouquin, messieurs? Non, je vais le refaire là, à l'instant, dessus. Et en plus, mais il faut lui dire bravo parce que moi j'ai cru que c'était le bouquin de 50, 90 pages. Mais là, c'est plus de 300 pages quand même. Ah non, mais là, c'est. Et là, c'est, en fait, il est en train de dire. C'est un best-seller, c'est un best-seller. Tout ça. Moi, je touche les choses et je sens ce qui va arriver. Je suis un devin. Alors, qu'est-ce qui va arriver autour de ce bouquin? C'est un best-seller. Il n'y a rien à dire, c'est un best-seller. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. J'ai lu que la préface, je vois que c'est très bien illustré. Je sais que je vais me régaler avec ce bouquin. Non, mais c'est bien parce que voilà, c'est écrit d'une façon où on a l'impression de vivre ces choses avec toi, quoi. C'est-à-dire, voilà, y a un vrai sentiment qui passe dans le bouquin. C'est pour ça que je voulais l'écrire seul. parce que je voulais absolument avoir sur les droits. Rendez-nous l'orgue, magic system. Bon, vous l'avez entendu, ils sont en pleine forme. Ils étaient aussi en pleine forme hier. On peut réécouter d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'émission hier soir. C'était avec le magic system hier soir. On vous balance donc ce morceau, premier Gao, la reprise par Banassé 4. Et on dit premier Gao n'est pas Gao. C'est deuxième Gao qui est Niatao. Quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble à la rue Princesse O. Au milieu Maquillo, des CK payer les poulets haut. Attends, est fini, y'a toi changé de côté haut. L'hymne n'y voit rien. Yeah! Voilà! Des fichiers du Côte d'Ivoire, chers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire. Le blind test, il est pour vous. Ouais. Ce blind test est pour vous. Je pose des questions, vous me donnez les réponses. Si je vous dis 3-0, à quoi ça vous fait penser? La France qui bat la Côte d'Ivoire à Montpellier. Alors là, bon, on y va pour le live maintenant. Allez. Magic in the Air en live sur Skyrock. Magic in the Air. Lève la main, allez. Allez, allez, allez. Fil de Magic in the Air. Magic System, ça c'était hier soir. Petit concentré de l'émission d'hier soir. Entre 20h et 21h, ce soir on va refaire mieux encore. Ah, aujourd'hui ça va être encore plus chaud. Là, ça va parce être, qu'on ça, a Aïna, on a Soprano. Et là je peux vous dire que ça rigole pas, non. Voilà. Là c'est du très très très lourd. Donc Magic in the Air, encore un des gros cartons Sopra, Aïna. Ah. Ils savent faire, hein, les Magic. Hein. Non mais les mecs, ils ouvrent la bouche, je sais pas comment ils font. Et depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Tiens, je sais aussi que toi t'es fan des expressions de Magic System. Voilà. Ah oui, c'est ce qui conclut la plupart des morceaux, ou pratiquement tous les morceaux. On en a une, on a lancé une dans Planète Rap lundi. Ah ouais, c'était quoi? C'est Y'a rien pour le moment. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça claque ou pas? Y'a rien pour le moment. Y'a rien pour le moment. Quand tu l'as dit, toi, ça claquait pas. Ouais, bah je savais. C'est le problème, je te rappelle que je suis la minorité visible. Non, franchement, y'a rien pour le moment, ça va s'engager. C'est bien, hein? Y'a rien pour le moment. Voilà, on va mettre ça en tête. Quand je pense qu'on sera quelque part ensemble ce soir. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. L'illustration est bonne. Bon, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Je vois que ça commence à te flairer, Sopra. Ouais. Ah oui, là, parce qu'avec ce qu'il vient de dire, ça rajoute encore plus. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. Bon, allez, on écoute un morceau. C'est Magic in the Air. Il y avait Ahmed Chaouki aussi qu'on a reçu hier soir dans l'émission et qu'on salue, qui est venu d'Espagne rien que pour l'émission. Exact. Et ben voilà, on le salue. On passe de bons moments ensemble. Et puis merci aussi au Banassé 4. Et au Banassé 4, on écoutait à l'instant justement le premier Gao Remix. Ouais. Ce sera prochainement dans les bacs. On écoute Magic in the Air pour débuter, c'est parti. Allons-y. Allez, allez, allez. Magic in the Air, aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Allez, allez, allez, feel the magic in the air. Ça va aller. Magic System. Bonjour nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Chalky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens, cercle du go go go. On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens. Oh oh oh, il des magiques indiens. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Magic System à l'instant. Bien dissipé les magiciens ce soir. Ah ouais, c'est toi, Ina. On m'avait pas prévenu que ça allait être comme ça du c'est coup. C'est toi, Ina, qui les a mis dans cet état. Non, moi je viens d'arriver, je suis toute calme. Bah justement, justement. C'est ça le problème. C'est ça le problème, tu viens juste d'arriver. Bien prononcé ce. Ça, c'est une anecdote pour faire le fil des Magic India. Pour avoir l'accent anglais, il a fallu que je parte à New York pour une seule phrase, la honte. Je suis allé m'entraîner et je suis revenu. Et maintenant, quand je prononce, même les Américains n'en reviennent pas, quoi. Fil des Magic India. Ah bon. Ah, non, c'est trop beau. Un vrai carré. Sopra, toi qui connais bien les États-Unis, t'as pas l'impression qu'on était dans le Bronx? Moi, Denzel Washington. Voilà, il est à côté de nous. C'est bon. Magic in the Air avec Ahmed Shaw qui à l'instant est produit par Red One pour le son aussi. On l'a dit un petit peu en début de semaine. Ouais. Gros producteur, hein, Red One. Hein, pareil, qui a un parcours assez marrant, qui est parti du Maroc en Suède aux États-Unis, qui a bossé pour Lady Gaga, Jennifer Lopez, tout le monde. Econ et tellement. Et pour Magic System. Ah ouais. High level, comme Soprano. High level. Bon, Sopra est avec nous. Aina aussi. Aina, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, plein de en choses. En ce moment, tu enregistres, tu bosses, tu tournes. J'enregistre l'album, ouais, je suis en train de le terminer. Et puis, j'ai mon titre Héritage qui est sorti. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, à aller regarder le clip sur Internet. Et puis, surtout, n'hésitez pas à soutenir vraiment sur iTunes et à télécharger le morceau. Donc Héritage. Héritage. Le son de Aina. Et puis le morceau aussi plus haut qu'on retrouve. Mais on a été quand même méchants avec Aina, Manadia. On n'a même pas ramené le titre à Aina. Pour réécouter ce qu'elle a chanté, on l'invite à Sky et là on va imposer forcément un live. C'est la surprise, moi. Mais bon, c'est pas grave, elle va le faire. Le plus haut. On va s'en sortir, ouais. Bah, c'est la première fois que vous allez faire en live. C'est la première fois et même elle, quand elle a fait le studio, elle n'a plus écouté le titre. C'est vrai. Ah ouais, complètement ignoré. Ils t'ont pas envoyé l'album, évidemment, puisqu'il sort dans 5 jours. Non, mais nous-mêmes, on l'a pas reçu. Il y a une rumeur qui dit que je vais le recevoir. Nous-mêmes, on l'a pas reçu. C'est vrai. Non, mais c'est ici qu'on voit l'album. Moi, je l'ai. Il s'appelle Africainement Vôtre, cet album. On le découvre cette semaine et il sort dans 5 jours. Dans 5 jours. On est à J-5 avant la sortie. On peut précommander l'album aussi. Allez-y. Ouais, dans 120 heures, disons, dans 104 heures, parce qu'il reste encore 4 heures. Donc voilà. Ah oui, toi tu comptes en heures en fait. Ah non, là on a passé en heure là. Ah, c'est-à-dire que le gars est passé à un autre niveau. Ah non, c'est. Ça sort à Paris à 9h, ça sort à Abidjan à 7h du matin. Ah oui, ça c'est noté. Hein. Mais la veille. Ah ben voilà. Vous l'aurez donc si vous êtes à Abidjan ou ailleurs, vous l'aurez avant. Non, mais il faut déjà précommander parce que c'est disponible en précommande déjà. Il faut précommander et puis voilà, lundi on est dans l'exclusivité. Qu'est-ce qu'on va écouter? Travailler. Travailler? Mm-hmm. Qui dit un mot là-dessus sur travailler? Messieurs, ben, on encourage nos frères pour ne pas baisser les bras. Il faut toujours croire, il faut espérer. Et puis ben, seul le travail bien fait qui paye. Voilà. Et bon, l'écoute maintenant, c'est un extrait de l'album qui sort lundi, Magic System sur Skyrock. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'il t'a donné la santé, le reste est une histoire de temps. Mon ami, faut prier. Un jour ça va aller. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler pour réussir. Travailler, il faut travailler. commence petit petit. Un jour pour toi va sentir. Faut jamais te décourager. Car chaque chose a son temps. À qui te faut fouiller. Dans la vie on ne sait jamais. Oh. Travailler pour réussir. Travailler, il faut travailler pour réussir. Au bout des efforts, il y a la récompense. Travailler, il faut travailler pour réussir. Et avec Magic System, c'est ça qui est la vérité. Et il n'y a rien pour le moment. Waouh! À l'instant, travaillé extrait de l'album du Magic System. Il arrive lundi 19 mai. Ce morceau et puis aussi tout l'album du Magic System. Ouais. Et à chaque fois, je vois que tu as une liste devant toi. Mm-hmm. Et je vois plein de noms. Ouais. En fait, il a sa liste pour lui, son équipe. Non. C'est quoi, c'est des prochains featuring? Non. Le premier jour, j'avais déjà signifié que mon rôle d'ambassadeur à l'UNESCO m'amène à mener certaines missions. C'est vrai. Et à prôner les valeurs de l'institution que je représente. Donc, à l'occasion de la sortie de l'album, nous avons approché certaines personnes qui ont bien voulu nous accompagner dans un projet. Donc, on a approché des footballeurs, des journalistes, en un mot, des personnalités, qui ont accepté de jongler chacun une balle, de la dédicacer et qu'on puisse revendre cette balle sur Internet pour financer des projets sur l'éducation et l'alphabétisation en Afrique. Ah, ça, c'est le grand combat que tu mènes justement au sein de l'UNESCO en tant qu'ambassadeur. Voilà. Mmh. Donc, cette vidéo, d'ici la fin du mois de mai, cette vidéo va inonder les réseaux sociaux et pourquoi pas même la télé pour permettre à des gens, des personnes de bonne volonté de pouvoir contribuer à leur manière. Déjà au niveau des joueurs, ceux qui ont accepté de jongler, ceux qui ont accepté de nous accompagner dans le projet. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a Touré de Manchester City, qui est ivoirien. Il y a Olivier Giroud, il y a Bakary Sagna, il y a Patrick Vieira, il y a Xavier Pastore, Adrien Rabiot, Sylvain Wiltord, Marion Bartoli, pour dire que c'est pas seulement les footeurs, même les tennismen aussi. Il y a Jérôme Alonso, il y a Darren Tulette, que tout le monde connaît. Journaliste sportif, ouais. Voilà. Il y a Brenda O de Sopra. Hein? Il y a Clément Grenier. Il y a Clément Grenier. Il y a Rio Mavuba. Il y a Florent Malouda. Il y a Riyad Boudbouz. Il y a Louis Fernandez, il y a Robert Pires, il y a Raymond Domenech, il y a Pierre Ménès. Au niveau des animateurs, on a Patrick Sébastien, on a Koué, on aura Difool, on a Fred aussi, moi, il me parle d'un problème de dos, il pourra pas jongler, c'est pas grave. Mais même donc, avec y a le tout dos, tu verras, même bon, le voilà. Dos, pas de problème, rien. Donc, il y a une cinquantaine, il y a Soprano, il y a M. Pokora, il y a... Voilà, donc il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont accepté de nous accompagner sur ce projet. Et vous allez voir la vidéo, ça va passer bientôt. Et donc, après la vidéo, il y aura une mise en vente des ballons. Des ballons, chacun choisit. Si tu aimes Soprano, tu choisis la balle que... Soprano a signé. Si tu aimes Asalfo, tu choisis la balle qu'Asalfo a signé. Je sais que ma balle sera plus vendue aux enchères que celle de Soprano. Ouais, parce que ça dépend des jongles aussi. Il faut mettre la bannière dans la bannière. C'est vrai que mon jongle n'était pas super. Je crois qu'on a fait au moins 10 prises. Mais c'est parce que tu traversais, c'était l'époque de la crise, c'était une période difficile. Voilà, j'étais comme mon club. C'est le club, il y avait un problème avec le club, enfin une fois de plus. Ouais. Le départ d'Anigo pour l'Afrique, tout. Enfin, c'était compliqué. C'est contagieux, quand ça va pas à Marseille, ça va pas chez tous les matchs. Ah, donc il a eu du mal à jongler, forcément. Mal, voilà. Actuellement, c'est les Parisiens qui jonglent. Donc il doit comprendre. Sauf Arène, sauf devant Mourinho. Bref, ah ouais, nous pouvons continuer. Ça, c'est l'attaque, là, il n'y a même pas de défenseur. Oh là là, le petit truc. J'ai même pas envie de relever tellement c'était bas. Voilà, c'est trop bas. C'est trop petit ça. Hein. Ouais. Mais à cette fois, attends, en même temps, il y a une époque, je me souvenais, où tu étais quand même supporter marseillais. Hein. J'ai l'impression que tu es en train de. Ouais, et tant après, mieux, bienvenue chez nous. Bienvenue à la maison. J'ai tellement d'impôts locaux que. Je ne peux pas habiller des gens et ne pas les supporter. Voilà. Donc je suis PSG maintenant. Voilà. Bienvenue parmi nous. On attend l'arrivée imminente de Sopra aussi qui va bientôt rejoindre le club. Laissez-moi tranquille. Aina, ça y est, c'est déjà fait toi. Je suis déjà là. Bah, ouais. Bien sûr. Moi, ah c'est bon, c'est en gros, on est en train de me dire de sortir de la table. Non, mais moi, je suis content de voir Matteo dans le maillot du PSG. Je suis très content. C'est vrai. On est à la radio, personne ne voit, donc il peut pas dire c'est fou. Tu parles de mon sang. Mais tu veux que je dise, je sens quand même. Non, mais t'as pas tort parce que je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens qu'il se passe quelque chose à Marseille parce qu'il y avait Révolution Urbaine. Ouais. C'est la semaine dernière, Révolution Urbaine, c'est dans Planète Rap. Ouais. Avec l'album d'ailleurs qui est sorti et qu'on salue aussi nos amis de Révolution Urbaine, l'album que vous trouvez. Il y avait avec eux des amis marseillais. Oui. Qui pour la première fois portait des maillots parisiens, dont un son petit nom s'appelle Pastore, que j'aime beaucoup. Non, mais ah ouais. Il est interdit dans notre studio. Tous les jours, on lui dit de ne pas venir. Lui, on ne le veut pas. Le supporter de l'OM avec un accent marseillais, je ne comprends pas. Il parle comme, Fernandel. Voilà. Et il a un maillot du PSG. Ouais, bah, il était très bien. J'ai vu aussi Jamal, il me semble. C'était Jamal qui portait un. Non, ça, c'est impossible. Un maillot parisien. Non, si, c'est sûr, il me semble. Bon, dans un instant, on va revenir. On va faire un petit quiz comme hier. Cette fois-ci, c'est un quiz qui va porter sur les expressions du Magic System. Okay. Donc, vous direz rien. On va faire un quiz entre Aina et Soprano. Ok. Bah, je sens que je vais perdre. Mais non. Par contre, vous pouvez aider et souffler. Elle perd d'avance. Elle est comme l'équipe de France. Oh, excusez-moi. On n'y voit rien. Autant pour moi. Ça n'arrête pas. Autant pour moi, je Ah, il est en forme, je sais pas ce qui s'est passé là aujourd'hui. Mais... C'était comme ça toute la semaine. Ouais, il était beaucoup plus calme. Bon, bougez pas, dans un instant, on revient sur Skyrock. J'ai vu mon écrivain, je suis content. Demande-lui une dédicace sur l'œuvre. Voilà. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Magic System, Soprano, Aina est là aussi. Il y aura du live, vous aussi en freestyle. Et le retour de Planète Rap, c'est après ça. Comme toi, Magic System a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Magic System. Ils sont là, les Magic System. Avec Aina qui est là aussi, qui a rejoint l'équipe de Magic System le temps d'un morceau qui s'appelle Plus Haut, que vous nous ferez en live dans quelques minutes. Ouais. Soprano est là. Soprano. Yes, on est venu passer un petit coucou au magicien. Soprano d'ailleurs, oui, qui réserve dans son bouquin qui est sorti. Tu l'as lu le bouquin toi, Aina, ou non, pas encore. Franchement, pour ma défense, je viens juste de rentrer là, mais je vais l'acheter. Mais je pensais qu'il allait m'en offrir un comme à tout le monde, mais. Mais non. Je savais pas que mais tu en étais fait, là. Mais t'inquiète pas. Mélancolique anonyme, où tu réserves d'ailleurs une grosse partie du bouquin au Magic System aussi dedans. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des grands monsieur. Les gens, ils savent pas tout ce qu'ils font à Abidjan, surtout à Numambo. J'ai vu des trucs. Que les gens ne savent pas de ces messieurs-là. Il y a un festival d'ailleurs chaque année qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'est ça, Numambo, hein. C'est ça, le FEMUA, qui est à sa 7e édition. Qui est un festival de musique urbaine, de découverte. Oui, c'est pas seulement de découverte, mais on permet aux populations les plus défavorisées de réaliser leurs rêves. Parce que c'est des gens qui ne pensent pas un jour voir Soprano ou la fouine ou section d'assaut, je sais pas, voilà, de les voir de vis-à-vis. Donc quand on, chaque année on essaie d'amener ces artistes là vers eux, et pendant 3 jours ils vivent des moments vraiment d'émotion, et puis les artistes aussi ils prennent beaucoup d'enseignements auprès de ces gens, ils voient dans quel environnement Magic System a grandi pour être là. Et puis bon, on essaie entre autres de faire des actions sociales à côté, on construit des écoles, on réhabilite des hôpitaux, voilà. Bon, il y a un beau travail de terrain qui on a envie de partager, quoi, parce que nous on est parti de rien, on savait pas qu'on allait connaître une telle carrière, et quand on a la chance d'avoir une telle carrière, il faut les garder dans le rétroviseur et aller aider ceux qu'on a laissés derrière. Ça fait, c'est ce qu'on essaie plus ou moins de faire. Tu as joué Sopra aussi là-bas au festival? J'ai fait le FEMUA, j'étais là à l'inauguration de l'école. Oui. Voilà, on était là, on a visité les orphelinats, on a tout vu, on était avec eux. Je crois même que c'est devenu, après les Comores, ma deuxième maison. Mais en même temps, c'est marrant parce que l'Afrique est super importante. Parce que quand tu arrives au Sénégal, tu dis la même chose, toi. Laisse ça à la Sanal. Quand vous lirez le bouquin, c'est vrai que le bouquin, l'idée d'écrire, c'est né en Afrique aussi. C'est ce que tu racontes dès le début. Il y a un concert en fait. C'est un concert que j'ai fait en Guinée en fait. Mmh. Quand j'arrive là, je vois 100 000 personnes qui sont là, qui sont venues que pour me voir et qui chantent toutes mes chansons. Alors que moi, je suis tout petit, je viens des quartiers nord de Marseille. Mmh. Ça m'a grave marqué. Et après aussi, même quand je les ai vus, eux qui font des chansons festives que tout le monde croit que voilà, ils sont là, ils s'amusent tous les jours. Non, ils sont là-bas à la maison, ils sont là en train de travailler pour leur famille, ils font des choses pour le pays. Pour le peuple. Et, ouais. Et voilà, et moi ça m'a mis une claque. Je me suis dit, ça, il faut le mettre en avant, il faut amener des trucs positifs. Souvent les gens ils mettent en avant que des trucs négatifs. Ouais. Il faut mettre des trucs positifs en avant et se profiter de ce livre pour le mettre. Vous pourrez bientôt soutenir justement l'une des causes que tu défends, en l'occurrence l'UNESCO, pour l'alphabétisation. Enfin, pour apporter aussi de la culture, ouais, avec des ballons qui vont être mis en vente. Il y aura le ballon de Sopra et tout sera expliqué dans une vidéo fin mai. Voilà, 50 personnalités qui vont jongler, chacun une balle, et ces balles là seront vendues sur internet aux enchères, et tous les fonds recueillis iront à l'UNESCO pour financer des projets sur l'alphabétisation et l'éducation. Bon, dans un instant freestyle par téléphone, on passe un morceau, mais juste avant j'ai promis un petit quiz entre Aïna et Sopra. Attention les magiciens, essayez de pas souffler. Aïna essaye de griller les réponses. Mais tu vas voir, c'est très simple. C'est simple. Hein. C'est le quiz lexique Magic System. Vas-y. Faut nous donner à peu près la définition du lexique de Magic System. Oh. Par exemple, si je dis on va gâter le coin. Je savais que t'allais dire ça, c'était sûr. Alors c'est quoi? On va gâter le coin? Et ben voilà, 1-0. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. Non. Tu avais l'image, mais tu n'avais pas le son. Voilà. Ah non, pourtant, on va gâter le coin, en fait, ça parle de lui-même. Bon, 1-0 pour Sopra pour l'instant. Alors celui-ci, je suis pas sûr. On va voir si l'explication est la bonne, j'ai un doute. Hein. C'est Caïman Braisé, ça c'est dans le morceau premier gars. Caïman Braisé. Ah, je pense savoir. Je suis pas sûr. Hein. Vas-y. Je pense que ça veut dire c'est chaud. Ça veut dire que cette personne, cette fille est chaude, je sais pas, bien faite, je sais pas. Non, le Caïman Braisé, c'est une métaphore au fait. C'est une fille qui t'abandonne au moment où tu es dans la galère. Et après, elle revient, elle veut exiger les plats qu'elle veut manger. Donc, dans la métaphore, je dis, ces plats-là sont très petits. On va te donner un caïman braisé. En fait, un caïman braisé, c'est comme si je disais qu'on allait te donner un crocodile braisé. Voilà. Voilà. Alors, moi, l'explication que j'avais sur ma fiche, quand même, pour dire que ça a été bien travaillé, c'est caïman braisé, on me disait, égal crocodile de la famille des alligators. Voilà, c'est super. Ça. C'est ça. Non, c'est vrai, elle a donné le même exemple. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, attention. Kedjenou d'éléphant. C'est donc premier Gaou. Tu veux peut-être le redire? Le Kedjenou d'éléphant. Kedjenou d'éléphant. Alors, le Kedjenou d'éléphant. Mon Asie, il est déjà mort de rire. Ah, manger, un plat. Non, mais j'ai pas. Un plat. La bouffe. C'est un plat. Voilà, bravo, bonne réponse, Daina. Merci. C'est le plat traditionnel de. À base d'éléphant. On est toujours dans la même métaphore. Kedjenou, c'était un plat traditionnel ivoirien. Voilà. Mais c'est pour ironiser qu'on a dit Kedjenou d'éléphant. Sinon, Kedjenou, c'est un plat, c'est un bouillon qu'on fait. Souvent, on peut dire Kedjenou de poulet, Kedjenou de pintade, Kedjenou de poisson. Mais le Kedjenou d'éléphant, l'éléphant est trop gros pour qu'on puisse le donc mettre. Donc, c'est une métaphore, pareil. C'est une métaphore. Parfait. Bon, allez. 0-0. Voilà. Je sais plus où ça on en est. Là, ça va être la dernière question. C'est la dernière question du quiz. Donc, celui qui me donne la bonne réponse, il a tout gagné. Merci. Dont un album et un livre de Sopra dédicacé. À Cubayo. À Cubayo, très bonne question, précise. À Cubayo. Non, bah, je sais pas, regarde pas comme ça. Je sais pas, j'attends que tu me donnes la réponse. Ah, tu attendais qu'il te donne la réponse. Oui. Un cri de guerre. C'est un cri de guerre. Voilà, voilà, bravo. Bonjour, moi j'allais faire comme ça. J'allais dire c'est Aïna qui remporte. Ah, oui, on peut, s'il vous plaît, on applaudit Aïna là. Oh là là. On est au fin. Non, mais je savais, mais fallait me laisser comme ça. C'est toute ta classe Sopra. C'est bien ça, c'est un cri de guerre à Cubayo. C'est le Aou. Hein? À Cubayo, yo, c'est ça, sou, c'est un cri de guerre. Ah, sou, ah oui, c'est vrai qu'on a oublié le sou. Voilà, bon, bah écoute, tu as remporté, tu vois, c'était simple. Ah ouais, super. Allez, on écoute un morceau de Magic System maintenant, c'est extrait de l'album qui sort lundi. On avait dit qu'on remettait Tu es fou. Ouais, on met Tu es fou. Allez, Tu es fou. Et juste après, freestyle par téléphone, on y va. Magic System. Yeah. On va déconner. Tu es fou, nous aussi on est fou. C'est ça, on y va. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force d'aller plus loin. Il est temps pour toi de bouger. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu attends, on va chanter. Skyrock et c'est le Planet Rap avec Magic System, nos invités. Le morceau s'appelle Tu es fou. On le retrouvera sur l'album Africainement Vôtre. Ça sort lundi 19 mai. On peut précommander cet album du Magic System ce soir et dans quelques minutes en live. Aïna est là. Oui, je suis là. Vous allez faire le morceau plus haut dans un instant. Ouais. On fera aussi un petit classique de Magic System avec Soprin. Ouais, pourquoi pas. Soprin. Un peu de nostalgie. Ah oui, Baba. On est là, vas-y. Ok, ça arrive dans un instant. J'ai l'impression que t'avoir perdu l'espace de 2 secondes. Non. Tu étais dans le morceau, Tu es fou, c'est ça? Voilà, j'étais fou. Voilà, bah, c'est ça. Voilà, j'étais fou. Et là, je vous présente Reda de Montluçon maintenant par téléphone. Salut Reda. Salut Fred. Ça va bien Reda? Et toi, la forme? Bah écoute, ça fait plaisir de te retrouver parce que Reda, j'ai croisé samedi, j'étais à Montluçon. fait une super rencontre avec plein de gens là-bas, avec Noir sur Blanc que je salue, la petite Nora aussi qu'on salue, et puis toi, nous aussi, Reda et tous les autres. Yes. Et donc tu viens rapper maintenant dans l'émission, parce que je t'ai entendu rapper devant moi, donc maintenant tu vas, on va t'écouter dans la France entière, freestyle par téléphone. Voilà. T'es prêt? C'est prêt, je suis prêt. Allez, bah c'est parti, quand tu veux. Vas-y. Ok. Reda, pour commencer, sur ce beat de fit, c'est sur ces bêtes de fées de vouloir tout tuer. Mais on vit, on meurt, mais on vit, on crie, on pleure. Ici, quand je rappe, tous les amateurs prennent leur clic-clac. Parce que sous notre y'a pas poteau, comme ils disent mon clic-clac. Jamais vu comme un flic black. Mon rap éclabousse comme une clic-clac. Boum, dans ta caisse, les enseignes claquent. Boum, dans ton cœur sonne fort. Boum, je te parle de ma vie, face de paix. Ma tête signifie face de guerre, face de paix. Je te prends en battle, tête à tête, à la face, t'es. Je te résume en deux mots, nul et moche, t'as vu la phrase que t'es. Les dés sont jetés, différents par tout le monde, on est jetés. Les racistes disent dans mon bougnoul bouc, jetés. Mec, y'a pas de superstar, c'est moi la star, la star du rap, et pas pour des raps. Tant que tu perds et moi j'attrape, les jaloux, les gens loups, les Philippe, t'inquiète, tu passes à sponsorisé par Philippe. Que du bon, pas de mauvais, pas de vieux, mais rénové, nos fans vont rêver du superstar. Et à l'enseigne, remixé par DJ, fraîche à l'enseigne. Alors tu peux pas me tester, mec, c'est moi le best. Tu es allé sur ce beat, comme t'es allé sur ma vie. Si tu flippes, dis-moi pas où t'habites. Y'en a qui croquent ou deal, qui croquent et deal. Moi le crocodile, je croque son bill. Prends ta crotte et file, y'a ta mère au bout du fil pour me vanter. En bas dans mon jardin secret, il est hanté, t'es tenté, mais ça va planter. Je suis la superstar avec une histoire à la Titanic. Pourquoi je rigole, t'es le sage petit Titanic. Reda à l'instant, freestyle. Ouais Reda, qu'est-ce qu'il y a, aïe aïe aïe. Ah bah voilà. Pas tout seul, hein. C'est autre chose qu'avec aïe aïe aïe quand même. Je sens que tu es venu en équipe. Ouais bah j'ai entendu les gars. Reda, t'as une petite dédicace à passer, on peut te retrouver sur le net, balance toutes tes infos, vas-y. Ouais, j'ai une petite dédicace à passer à mon frère, Mounir. Ah bah c'est lui, a priori, c'est Frangin. Petit Jean, Kamel, et ma petite ville Montluçon avec mon quartier Blanza. Et une petite dédicace, Fred, pour tous les amis, Dany, Aymen, tout le monde, toute l'équipe, pour tous ceux partis trop tôt, mon père, et pour mon prochain clip, pour mon frère Karim qui est en haut. Eh bah ça roule, merci à toi en tout cas Reda. Merci, bah merci à toi et aussi merci à toute l'équipe Skyrock. Hein. Et on un petit passage, un petit big up à Soprano et à Magic System. Voilà. Ah, merci. Merci mon poteau. Et bah voilà, on applaudit Reda à l'instant en freestyle. Bravo à toi, merci Reda. Le cool. Yes, merci Fred. Et salut toute l'équipe, à bientôt. Yes, ça marche. Ciao, ciao, à plus. Ciao, ciao. Magic System avec nous, Soprano, Aina, est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant? On est prêts, oui. On est prêts. On commence par le... Surtout avec l'image qui passe là. On est prêts, ça c'est le droit du cœur ça. On est là. Ça c'est l'avance qu'a reçu Soprano pour son livre. Pour son livre. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Pour vous expliquer, Momo, tu peux filmer s'il te plaît. Pour ceux qui ont les images, c'est des tas de billets. Ou alors merci à Tony pour la photo. Hein. C'est Tony Musulin, tu te souviens? Il a retrouvé le magot. Bon, en tout cas, on a reçu une photo de la part de Tony avec a priori beaucoup de cash. Hein. Ah ouais. Il faut nous filer l'adresse, Tony, ça peut aider beaucoup de gens ça. Ça peut régler la dette française. Ça peut régler pas mal de choses. Une belle somme en tout cas. Bon, prêt pour le live maintenant? Toujours prêt. Oui, pardon, bien sûr. Toujours. Allez. Le morceau s'appelle Plus haut. Ouais, pour aller plus haut. C'est parti sur Skyrock. C'est ce soir que nous allons voyager, ma doudou, toucher les étoiles et marcher sur la lune, mais dans la main, on sera tout seul au monde et personne ne saura où nous trouver. Et te serrer contre moi, mon amour prêt à décoller. Et ça va le plus haut. S'envoler plus haut. j'ai encore envie d'aller plus loin. Et s'accrocher encore jusqu'à demain pour ne plus jamais séparer nos vies. Vivre notre amour ah, plus haut, encore plus haut, plus haut. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. S'envoler plus haut. S'envoler plus haut sur Skyrock. S'envoler plus haut. S'envoler plus haut. S'envoler plus haut. Magic System. Et Aina. S'envoler plus haut. S'envoler plus haut. S'envoler plus haut. Ah ouais, ah ouais, c'est ça. On arrive à l'instant. Ouais. Plus haut, c'est-à-dire moi. Ah ouais. C'était la première fois en même temps. C'était la toute première fois. Ah ben, c'est bien, c'est cool. Bien, c'est pas grave, vous reviendrez la chanter. Ouais. Hein, Aina. Avec plaisir. Bon, c'était une belle rencontre de toute façon avec Magic System. Exactement. Ouais, un bon moment. Une belle histoire, une belle rencontre. Ouais. On a gardé de beaux souvenirs en studio. Ouais. Et puis je suis vraiment contente qu'ils aient fait appel à moi. Je les remercie d'ailleurs. Non, mais c'est normal. Tu as du talent. Merci. Voilà, Magic System, c'est vivo ici. Vous êtes pas. Les quatre se retournent d'un seul coup. Oh, Aina, c'était toi. Oh, c'était toi. Bah, viens en studio. Allez. Bon, est-ce qu'on est prêt pour continuer le live maintenant? Ben, on va continuer. On va aller sur un des classiques de Magic System. Ouais. Avec honneur, Soprano. Honneur, honneur pour nous de chanter avec un écrivain. Tiens, Aina, je vais juste récupérer peut-être ton casque. Parce qu'on est, on va faire tourner les casques. Ou alors, voilà, par là. Voilà. Et on va attaquer maintenant la suite du live avec Magic System et Soprano qui est aussi invité, qui est un peu en galère avec le fil du casque. Ouais. Mais voilà, c'est en train de s'arranger maintenant. On est parti pour Chéri Coco ? Je te mets les paroles devant. Ah oui ! Il y a l'anti-sèche. Faut que j'apprenne mes couplets. Bon, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, moi, cette chanson, je peux pas la chanter. Assis. Hein ? Debout, debout, debout, debout. Debout, debout, là. Scalpe, s'il te plaît. Ah oui, papa. Yes, I. Ah oui, papa. Hey. Ah oui, papa. Magic System et son grand baba. Yeah. Ah oui, papa. Hey. Ah oui papa, ah ouais, ah oui papa, ah yes, si t'es le son papa. Chéri Coco, faut pas blaguer, c'est une affaire de Dante Vita. On est là pour le show. C'est toi qui m'as dit de faire le show. Ah oui. Chéri Coco, tu as cherché, tu as trouvé. À nous aller, c'est comme ça qu'il faut danser. Rapadene, tu connais pas. Rapadene, Rapadene, tu connais pas. Rapadene, Rapadene, tu connais pas. Rapadene, Rapadene. Chéri Coco, faut pas blaguer, c'est une affaire. So baba, so kuba kuba, so baba. C'est qui? Sopra baba, sopra baba. Chéri chéri coco, tu me rends dingue dingue dingo. On m'a dit que tu voulais du show. Ah bon? Donc voici ce son soprano. Okay. Comme je suis là pour les frères et les sisters qui sont là pour mettre le feu sur la piste. Et mademoiselle, dis-moi pourquoi tu danses pas à salvo. On va danser maintenant. Surtout avec des mecs bien sapés. Ah ouais. Tu sais bien qu'il faut pas blaguer. Ah ouais. Comme on rien de la tête aux pieds. Okay. Mais obligé d'être stylé. Abidjan, Marseille, pas. C'est une histoire de Dolce Vita, yo. Hey, oh. Ensemble pour la fiesta, ce soir. Hey, Sky Rock. Chéri Coco, faut pas blaguer. C'est une affaire de Dolce Vita. On est là pour le show. On va swinguer, on va danser. danser, on va danser, eh eh, on va swinger, on va groover, on va swinger, eh eh, on va danser. Ok, allons-y alors. On va danser, eh eh, on va swinger, on va swinger, eh eh, on va danser, on va danser, eh eh, on va swinger, on va swinger, eh eh, on va danser, on va danser, eh eh. Chérie Coco, faut pas blaguer, c'est une affaire de Dolce Vita, on est là pour le show. Chérie Coco, faut pas blaguer, c'est une affaire de Dolce Vita, on est là pour le show. Chez nous on dit c'est ça qui est la vérité. À l'instant en live, Chéri Coco, yeah. Avec le Magic System. Avec Soprano aussi. Ça fait un moment que vous ne l'ayez pas fait. Ça fait plus d'un an qu'on ne l'a pas fait ensemble. Bah, vous avez vu comme ça roule tout seul. Depuis la fête de la musique l'année dernière, on ne l'a plus fait. Incroyable. Ça roule un peu mieux que plus haut quand même. Non, t'as vu un peu plus d'ambiance. Non, mais plus haut aussi. On est habitué. Plus haut, c'était magnifique aussi. Plus haut, attends, tu vas voir. Le jour, on va voir la guitare acoustique, on va la faire là. Tu vas voir ce que ça va faire. Là, je peux te dire que ce sera très très haut. Bon, merci à vous en tout cas pour cette soirée. Et avant de se quitter, on va faire tourner rapidement la roulette. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Allô, allô, Stacy, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va bien, Stacy? Ça va. Ok, bah bienvenue. Merci. On va faire tourner la roulette, c'est parti, Stacy? C'est parti. Et ça va s'arrêter pour toi, Stacy, sur la case, c'est... Les places ciné pour aller voir Godzilla. Et c'est pas tout, le lecteur DVD Blu-ray aussi. C'est pour toi. Stacy, tu as la totale ce soir. Oh là là, merci beaucoup. Et bah de rien. Oh, je suis trop heureuse là. De rien, Stacy. Oh, merci. Et bah profite bien de tout ça, t'as un petit message, petite dédicace à passer, vas-y, c'est le moment. Oui, j'aurais une petite question. Ah, même une question. Oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir un album de Magic System dédicacé pour la fête des mères? Parce que ma mère, elle vous adore et... Ok. Ah bah, si je laisse répondre. Mais demandez si gentiment, les non, gars. Non, on va envoyer un petit lot à Skyrock. On va devoir retirer un CD dans le lot que nous avons envoyé à Skyrock. Allez, mec, putain, ils en sont au décompte, quoi. Voilà, tu nous laisses le nom de ta mère et on fait la dédicace parce que nous aussi, on aime les mamans. C'est Christelle. Christelle, avec un seul L ou avec deux L-E? Deux L-E. Ok, d'accord. Alors, on va faire ça et puis on va laisser ça à Skyrock. Ouais. Ils vont se charger, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ben, on s'en occupe en tout cas, Stacy, t'inquiète pas. Voilà. C'est gentil. Voilà, c'est encore mieux que d'écouter Magic System que d'aller voir Godzilla. Bah là, tu pourras tout faire. T'as les places de ciné pour aller voir Godzilla, lecteur DVD Blu-ray pour mater ce que tu veux, et donc l'album dédicacé de Magic System. T'as ouais, la totale, Stacy. Tu es refaite ce soir. Je suis heureuse. Et bon, on te fait plein de bisous. Passe une bonne soirée. Bisous à vous. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous, Aïna. Merci d'être venu. Bah merci de m'avoir invité. Erita, bah dis-le au Magic System. Ouais, c'est vrai. C'est pas toi qui m'as invité. Non mais merci à Aïna. Merci beaucoup d'être passé. Merci à Soprano. Ça fait plaisir, voilà, vraiment. C'est normal, on est venu. On rappelle qu'il y a Héritage, donc le single qui vient d'arriver, le clip vient d'arriver aussi. Ouais. Vous pouvez mater. Tu es présente sur l'album du Magic System qui sort lundi. Le morceau plus haut qu'on a eu en live. Et on remercie Soprano, donc qui est venu avec son livre Mélancolique Anonyme. Et qui, d'ailleurs, Mélancolique Anonyme, qui on dit quoi, dans les bacs, dans les librairies, partout Je me suis habitué à dire dans les librairies, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, la FNAC aussi. Même, je crois, depuis aujourd'hui, si on peut le prendre sur iTunes aussi. Oui, on peut télécharger légalement. Voilà. Bon, télécharger illégalement un bouquin, c'est un peu tenté. C'est le truc relou, en fait. N'oubliez pas aussi la seule date importante de l'année. Bon, il y a deux dates importantes. Il y a le 14 juillet, qui est la fête nationale de France. Et puis, il y a le 13 septembre, Magic System à l'Olympia. Voilà, loupez pas l'Olympia avec plein de surprises, plein d'invités aussi. Ce sera le 13 septembre. Et le bouquin de Sopra qui est donc dispo depuis le 9 mai dernier, où il y a un gros passage justement sur Magic System. Merci Sopra d'être passé. Il n'y a pas de problème. Merci. À très vite. Allez, gros bisous, Aïna. Très très vite même, ouais, j'en dis pas plus. Ah non, mais bah, si, c'est possible. Non, très très vite, c'est très, tout. Très vite. Comment, c'est quoi la phrase? Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, il n'y a rien pour le moment. On suivra ça et là. Mais par que contre. Pour le moment. Ouais. Bah pour le moment, quoique, parce qu'il y a surtout Difool et toute l'équipe qui débarquent maintenant. Eh oui, on est là. Voilà, donc il y a beaucoup pour le moment aussi. Oui, vous avez été contaminé par Romano hier, là, pour l'histoire du. On rend qui recédé pour l'envoyer à Christelle. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, le plus beau featuring de notre vie, de notre carrière, oui. C'est hier qu'on l'a fait. Ah bah, on te comprend. Le plus beau, ouais. Vraiment. Magnifique. Bravo. Félicitations, le Magic System. Félicitations, Romano aussi. Bravo à vous. Salut à toi, Sopra. Salut, comment ça va l'équipe? Coucou, ça va bien. Bon, donc bientôt avec bien. Des surprises, d'après ce qu'on a compris. Si on lit entre les lignes. Bah oui, mais il veut rien dire à chaque fois. Ouais, voilà, j'en dis pas. Une plus. Surprise, ça mystérieux. Se dit pas. Non, mais t'inquiète, voilà. On va faire une enquête, on dira tout. Nous. Ouais. Trouve, essaye. Tu trouves vraiment. Il y a que Fred qui c'est une balance, lui. Je peux pas lui dire. Je crois savoir, moi déjà. Je vais travailler le corps. Cédric. Bah, je crois que la semaine prochaine il y a un beau Planète Rap et peut-être que Soprano sera dedans, non? Ah oui, ça oui aussi. Ah oui. Ça aussi, mais c'était pas ça. Ah, c'était pas d'accord. Ça. Attendez qu'ils finissent de vendre ses livres d'abord. Moi, je suis en train de le lire, les livres. Très bien. Je vais mener ma petite enquête alors. Bon, on enquête, on vous tient au courant. Merci yes. À tous. Et rendez-vous demain soir à partir de 20h, juste avant 20h, c'est Planète Rap, tous les soirs sur Skyrock avec Magic System. Et on vous a réservé une petite surprise Magic System aussi dans l'émission, ça on vous dira aussi. Ah voilà. Okay. Il y a des surprises dans tous les sens. C'est la soirée des surprises. C'est vraiment, ça sera demain soir pour vous, mais on en reparlera très vite. Ok. Merci Magic System. Salut à tous. Merci Fredo. Ciao. À demain. Et à demain, nous c'est parti. Radio Libre tout de suite avec vous en direct. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici, vous avez un truc à dire, profitez-en, on arrive tout de suite.